Commentaire du Credo par saint Thomas d'Aquin, dans la traduction du latin au français d'un moine de Fongombo, publié aux Nouvelles Éditions Latines en 1979. Sixième partie, commentaire de l'article cinquième. Jésus-Christ est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Comme nous l'avons dit, la mort du Christ a consisté, comme pour les autres hommes, dans la séparation de son âme d'avec son corps. Mais la divinité était unie de façon si indissoluble au Christ homme, que malgré la séparation de son âme d'avec son corps, la divinité elle-même s'est trouvée toujours parfaitement présente et unie à l'un et à l'autre. C'est pourquoi le Fils de Dieu fut dans le sépulcre avec son corps et il est descendu aux enfers avec son âme. Le Christ est descendu aux enfers avec son âme pour quatre motifs. Le premier motif fut de supporter toute la peine due au péché, afin par là de l'expier entièrement. Or la peine du péché de l'homme ne consistait pas seulement dans la mort du corps, mais aussi dans la souffrance de l'âme. L'âme en effet elle aussi avait péché, et elle était également punie par la privation de la vision de Dieu. C'est pourquoi, avant l'avènement du Christ, tous, même les saints patriarches, descendaient après leur mort aux enfers. Le Christ, pour souffrir toute la peine due aux pécheurs, voulut donc non seulement mourir, mais aussi descendre avec son âme aux enfers. Aussi déclare-t-il au psaume 87 « On me compte parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme sans secours, libre parmi les morts. Libre, car les autres en effet étaient là comme des esclaves, mais le Christ y était comme une personne jouissant de la liberté. » Le second motif de la descente du Christ aux enfers fut de secourir parfaitement tous ses amis. Il possédait en effet des amis non seulement dans le monde, mais aussi dans les enfers. Car vous êtes les amis du Christ dans la mesure où vous avez la charité. Or, dans les enfers, il y en avait beaucoup qui étaient morts avec la charité et la foi au Christ qui devait venir. Ce fut le cas par exemple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de David et des autres hommes justes et parfaits. Et parce que le Christ avait visité les siens dans le monde et les avait secourus par sa mort, il voulut aussi visiter les siens qui étaient dans les enfers et les secourir par sa descente auprès d'eux. Je pénétrerai toutes les profondeurs de la terre, je visiterai tous ceux qui dorment, et j'illuminerai tous ceux qui espèrent dans le Seigneur, dit l'Ecclésiastique. Le troisième motif de la descente de Jésus aux enfers fut de triompher complètement du diable. En effet, quelqu'un triomphe complètement d'un adversaire, non seulement quand il l'emporte sur lui sur le champ de bataille, mais aussi quand il l'attaque jusque dans sa propre maison, et qu'il la lui ravit, ainsi que le siège même de son empire. Or le Christ avait triomphé dans sa lutte contre le diable, et il l'avait vaincu sur la croix. C'est pourquoi il déclara: C'est maintenant le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde, à savoir le diable, va être jeté dehors. Aussi, pour triompher de lui complètement, il voulut lui enlever le siège de son royaume, et l'enchaîner dans sa demeure, qui sont les enfers. C'est pourquoi il descendit et lui ravit tous ses biens. Il l'enchaîna et lui enleva sa proie. Saint Paul écrit aux Colossiens: Il a dépouillé les principautés et les puissances, et avec résolution il les a traînés dans le déploiement de son propre triomphe. Le Christ avait reçu en sa possession le ciel et la terre, et toute puissance lui avait été donnée sur l'un et sur l'autre. Pareillement, il voulut aussi recevoir les enfers en sa possession. Et ainsi s'accomplit ce qu'écrira l'apôtre aux Philippiens, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, aux cieux, sur terre et aux enfers. Et Jésus lui-même avait dit, En mon nom, ils expulseront les démons. Le quatrième et dernier motif de la descente du Christ aux enfers fut de délivrer les saints qui s'y trouvaient présents. De même en effet que le Christ voulut souffrir la mort pour délivrer les vivants de la mort, de même il voulut descendre aux enfers pour libérer ceux qui y demeuraient. Aussi pouvons-nous lui adresser les paroles du prophète Zacharie. Vous, Seigneur, par le sang de votre alliance, vous avez retiré vos captifs de la fosse sans eau. Le Seigneur a accompli la parole du prophète Osée. Ô mort, je serai ta mort. Enfer, je serai ta morsure. En effet, bien que le Christ ait entièrement détruit la mort, il n'a pas complètement anéanti les enfers, mais il les a comme mordus. Car il n'a pas libéré tous les captifs des enfers, mais ceux-là seuls qui étaient exempts du péché mortel et également du péché originel. Soit que la circoncision les en ait délivrés quant à leur personne, soit que, avant que Dieu n'ait donné la circoncision aux patriarches, ils aient été sauvés, ou bien par la foi de leurs parents fidèles, s'ils étaient privés de l'usage de la raison, ou bien s'ils étaient adultes, par des sacrifices et par la foi au Christ qui devait venir. Mais ils demeuraient dans les enfers à cause du péché originel d'Adam, dont le Christ seul pouvait les libérer selon la nature. C'est pourquoi le Christ laissa en enfer ceux qui y étaient descendus en état de péché mortel, ainsi que les enfants incirconcis. C'est la raison pour laquelle, s'adressant à l'enfer, il lui déclare Je serai ta morsure, enfer. Ainsi donc, le Christ est descendu aux enfers et pour les quatre motifs que nous venons d'exposer. Nous pouvons y puiser pour notre instruction quatre leçons. Premièrement, une ferme espérance en Dieu. Car quelque grande que soit l'affliction dans laquelle un homme est plongé, il doit cependant toujours espérer dans le secours de Dieu et mettre sa confiance en lui. On ne peut pas en effet trouver d'état plus pénible que de demeurer dans les enfers. Si donc le Christ a délivré ceux qui s'y trouvaient, quiconque, s'il est l'ami de Dieu, doit avoir une grande confiance d'être délivré par lui de n'importe quelle détresse. Il est écrit en effet au livre de la sagesse, La divine sagesse n'abandonna pas le juste vendu. Elle descendit avec lui dans la fosse et ne le quitta pas dans les chaînes. Et parce que Dieu vient spécialement en aide à ses serviteurs, l'homme qui sert Dieu doit vivre dans une grande sécurité. Celui qui craint le Seigneur, dit en effet l'Ecclésiastique, ne se troublera jamais. Il n'aura pas peur, parce que Dieu est son espérance. En deuxième lieu, nous devons concevoir de la crainte à l'égard de Dieu et bannir la présomption. En effet, bien que le Christ ait souffert pour les pécheurs et qu'il soit descendu aux enfers, il n'en a pas délivré tous les captifs, mais seulement, comme nous l'avons dit, les âmes exemptes de péché mortel. Il y laissa ceux qui étaient morts avec ce péché. Que tous ceux qui y descendent dans cet état n'espèrent donc pas le pardon. Mais ils demeureront aussi longtemps dans les enfers que les saints dans le paradis, c'est-à-dire éternellement. Le Christ a déclaré en effet, Les maudits s'en iront au supplice éternel, et les justes à la vie éternelle. En troisième lieu, nous devons faire preuve de grande vigilance, car le Christ est descendu aux enfers pour notre salut. Nous devons être attentifs à y descendre fréquemment en esprit, pour considérer les peines qu'on y souffre. Comme le faisait le saint roi Ézéchias, quand il déclarait « J'ai dit au milieu de mes jours, je m'en vais aux portes de l'enfer ». Ceux en effet qui durant leur vie descendent souvent dans les enfers en pensée, n'y descendent pas facilement à l'heure de la mort, car la considération attentive des tourments éternels retire l'homme du péché. Ne voyons-nous pas les habitants de ce monde se garder des mauvaises actions dans la crainte des peines temporelles ? combien plus doivent-ils se détourner du mal dans l'appréhension des peines de l'enfer? Car celles-ci surpassent grandement les souffrances d'ici-bas, par leur durée, leur amertume et leur multiplicité. Souviens-toi de ta fin, dit l'Ecclésiastique, et tu ne pécheras jamais. En quatrième lieu, la venue du Christ aux enfers nous offre un exemple d'amour. Jésus, en effet, est descendu aux enfers pour délivrer les siens. C'est pourquoi nous devons nous aussi nous y rendre en esprit pour venir en aide aux nôtres. Les âmes du purgatoire, en effet, ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Notre devoir est donc de leur porter secours. Ne serait-il pas extrêmement cruel celui qui se désintéresserait d'un être cher enfermé dans une prison terrestre? Comme il n'y a aucune comparaison entre les peines de ce monde et les souffrances de ce lieu de purification, combien plus cruel ne sera pas celui qui laisserait sans secours un ami retenu dans le purgatoire? Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous du moins, mes amis, disait le saint homme Job, car la main de Dieu m'a frappé. Et nous lisons au deuxième livre des Maccabées, c'est une pensée sainte et salutaire de prier pour les défunts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. D'après saint Augustin, on peut secourir les âmes du purgatoire, principalement par trois bienfaits, à savoir par des messes, par des prières et par des aumônes. Saint Grégoire en ajoute un quatrième, le jeûne. Il n'y a rien là d'étonnant, puisque même en ce monde, un ami peut satisfaire pour un ami. Il est nécessaire à l'homme de connaître deux réalités, à savoir la gloire de Dieu et le châtiment de l'enfer. Attirés en effet par la gloire et effrayés par les châtiments, les hommes veillent sur eux-mêmes et se retirent du péché. Mais il est très difficile à l'homme de les connaître. Ainsi, au sujet de la gloire, il est dit dans la sagesse: qui donc pénétrera ce qui est dans le ciel? C'est sans aucun doute une œuvre difficile pour les habitants de la terre. Car, dit saint Jean, celui qui est de la terre parle de la terre. Tandis que découvrir ce qui est dans les cieux est chose facile pour les êtres spirituels. Le même saint Jean dit en effet: celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Or c'est précisément pour nous enseigner les choses célestes que Dieu est descendu du ciel et s'est incarné. Il était pareillement difficile de connaître les peines de l'enfer. Le livre de la sagesse met en effet cette parole dans la bouche des impies: on ne connaît personne qui soit revenu des enfers. Mais maintenant, il n'est plus possible de tenir un tel propos. En effet, comme le Christ est descendu du ciel pour nous enseigner les choses célestes, de même il est ressuscité des enfers pour nous instruire au sujet des enfers. Il est donc nécessaire que nous croyions non seulement à l'incarnation du Christ et à sa mort, mais aussi à sa résurrection d'entre les morts. Et c'est pourquoi il est dit dans le Je crois en Dieu, le troisième jour, il est ressuscité de mort. Nous voyons dans l'Écriture que nombreux sont ceux qui ressuscitèrent d'entre les morts, comme par exemple Lazare, comme le fils de la veuve et la fille du chef de la synagogue. Mais la résurrection du Christ diffère de la leur et des autres résurrections, de quatre manières. Elle en diffère d'abord quant à la cause. Les autres ressuscités, en effet, ne ressuscitèrent pas par leur propre puissance, mais bien soit par la vertu du Christ, soit grâce aux prières de quelques saints. Quant au Christ, lui, il est ressuscité par sa propre puissance. En effet, il n'était pas seulement homme, il était Dieu également. et la divinité du Verbe ne fut jamais séparée, ni de son âme, ni de son corps. Et c'est pourquoi son corps a repris son âme, et son âme son corps, quand il le voulut. Il l'a dit lui-même, « J'ai le pouvoir de donner mon âme, et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Et bien que le Christ soit mort, ce ne fut pas en raison de sa faiblesse, ni par suite d'une nécessité, mais bien par sa propre puissance, car il mourut volontairement. Ce qui le prouve bien, c'est qu'il rendit l'esprit en jetant un grand cri, ce que ne peuvent pas faire les autres hommes, car ceux-ci meurent en raison de leur faiblesse. Aussi le centurion dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Et comme Jésus livra son âme par sa propre puissance, il la reprit de même par sa puissance. C'est pourquoi nous disons « Le Christ ressuscita. » Sa résurrection étant son ouvrage à lui. Et non, il fut ressuscité, comme si sa résurrection était l'œuvre d'un autre. Je me suis couché et me suis endormi, puis je me suis levé, dit-il au psaume 3. Cette manière de parler ne contredit pas saint Pierre, quand il dit aux Juifs, « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. » En effet, le Père a ressuscité le Fils, et le Fils est également ressuscité, car le Père et le Fils ont une seule et même puissance. En second lieu, la résurrection du Christ diffère des autres résurrections par la vie à laquelle Jésus est ressuscité. Il est en effet ressuscité à une vie glorieuse et incorruptible. Comme le déclare l'apôtre aux Romains, le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Quant aux autres ressuscités, ils le furent à la vie qu'ils possédaient avant leur mort, comme on le voit clairement de Lazare et des autres. En troisième lieu, la résurrection de Jésus diffère des autres résurrections par son fruit et par son efficacité. Car tout se ressuscite par la puissance de la résurrection du Christ. Nous lisons en effet en saint Matthieu, « Le corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Et l'apôtre écrit aux Corinthiens dans sa première épître, « Le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis. » Mais remarquez ceci, le Christ est parvenu à la gloire par sa massue. Le Christ est parvenu à la gloire par sa passion. Comme lui-même le déclare aux disciples d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans la gloire? Il nous apprend par là comment nous-mêmes nous pouvons parvenir à la gloire. Comme l'enseigne l'apôtre, il nous faut passer par maintes tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Quatrièmement, la résurrection de Jésus diffère de celle des autres hommes par le temps auquel elle s'est effectuée. La résurrection des autres, en effet, est différée jusqu'à la fin du monde, sauf pour quelques privilégiés pour lesquels elle a été anticipée. Il en fut ainsi pour la bienheureuse Vierge, et selon une pieuse croyance pour saint Jean l'évangéliste. Mais le Christ Jésus ressuscita le troisième jour. Et la raison en est que sa résurrection, sa mort et sa nativité furent ordonnées à notre salut. Aussi, il voulut ressusciter quand notre salut serait complètement réalisé. S'il était ressuscité aussitôt après sa mort, les hommes n'auraient pas cru que son âme s'était séparée de son corps. De même, s'il avait différé longtemps sa résurrection, ses disciples ne seraient pas demeurés dans la foi. Et ainsi, sa passion aurait été absolument inutile. En quoi mon sang versé est-il utile si je descends dans le lieu de la corruption? Est-il dit au psaume 29. Il est donc ressuscité le troisième jour, pour que nous ne doutions pas de sa mort, et afin que les disciples ne perdent pas la foi. Or, nous pouvons tirer quatre conséquences des vérités que nous venons de rapporter au sujet de la résurrection du Christ Jésus. La première est que nous devons nous appliquer à ressusciter spirituellement de la mort de l'âme causée en nous par le péché. Et nous devons ressusciter de cette mort à la vie de la justice que nous acquérons par la pénitence. Éveillez-vous, vous qui dormez, nous dit l'apôtre. Levez-vous d'entre les morts, et le Christ vous illuminera. Cette résurrection de la mort du péché est la première résurrection. C'est d'elle que Saint Jean dit. C'est d'elle que Saint Jean dit dans l'Apocalypse: Bienheureux celui qui a part à la première résurrection. En second lieu, n'attendons pas l'heure de la mort pour ressusciter du péché, mais revenons vite à la vie de la grâce, puisque le Christ, lui, est ressuscité le troisième jour. Il est dit en effet dans l'Ecclésiastique: Ne tardez pas à vous convertir au Seigneur, ne différez pas de jour en jour. Comment, en effet, pourrez-vous penser à l'affaire du salut quand vous serez accablé par la faiblesse? D'autre part, votre persévérance dans le péché vous ferait perdre une partie de tous les biens qui se font dans l'Église, et vous encourriez beaucoup de maux. D'ailleurs, le diable, dit saint Bède, se laisse déposséder d'autant plus difficilement de quelqu'un qu'il le possède depuis plus longtemps. Troisièmement, notre résurrection du péché doit être une résurrection. Doit être une résurrection à une vie incorruptible, de telle sorte que nous ne mourions plus à la vie de la grâce. Nous devons en effet, en ressuscitant, nous proposer de ne plus pécher. Saint Paul écrit: Le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort sur lui n'aura plus d'empire. Et vous de même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité au service du péché, mais offrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Quatrièmement, notre résurrection du péché doit être une résurrection à une vie nouvelle et glorieuse, de telle sorte que nous évitions désormais tout ce qui auparavant avait été pour nous occasion et cause de péché et de mort. Comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, dit saint Paul, de même marchons dans une vie nouvelle. Cette vie nouvelle, c'est la vie de la justice qui renouvelle l'âme et la conduit à la vie de la gloire. C'est ce que nous vous souhaitons. Ainsi soit-il.